les voulait dire si. Ta mère, j'ai plus de son là. Putain, c'est fait là. Qu'est-ce qui se passe? Je m'entends plus là. Ah, c'est bon. Un Scrabble. En plus, je joue au Scrabble sur Facebook.